Les filles paralléliques. Du galant mis au fer, au cœur qui plie notre âme, nous rêvons en traverse, une ligne horizontale, gothique en ses manières, d'étages conçus, des mondes et des sphères, soulageant la vertu, si l'érotique flambeau de notre chant d'amour. Essence de la lumière dans nos cavernes noires qui frappe aux portes du corps, demande à savoir. De l'âme en univers où flotte le regard, ce regard tympan qui écoute la nuit bleue, cathédrale des nouveaux hommes et de tout. Amour en colonnade, muse des statues de pierre qui raconte la femme. Nous sommes paralléliques pour oser le désir, et vous, hommes de demain, sauriez-vous nous faire rire à pleurer de chagrin? Des filles parallèles.